Au pied d'une montagne, je me suis levé. J'ai dû mener des campagnes pour la soulever. Et j'ignorais pouvoir de mes doigts la bouger, jusqu'au moment où je l'ai fait. J'ai versé tant de larmes avant de les sécher, et d'en façonner mes armes pour ne plus tomber. J'ai jamais voulu croire qu'on me consolerait, jusqu'à me voir me relever. Si j'ai connu des moments, des mois, où s'est abîmé mon écorce, au fond de moi je ne savais pas quelle était ma force, quelle était ma force. Avant les drames, avant les fracas, avant la route et ses entorses, au fond de moi je ne savais pas quelle était ma force, quelle était ma force. La plus belle lumière qu'on m'avait donnée, la vie en fit un enfer et j'ai dû l'oublier. En ce temps j'ignorais que le corps n'oublie pas, mais qu'on peut avancer si l'on veut, si l'on croit. Les épaules écrasées par le poids de la pluie, quand se couvre l'été, que le bleu se fait gris. Tout ce temps j'ignorais que j'avais le soleil, tout au fond de mon cœur qu'il faisait des merveilles. Si j'ai connu des moments, des mois, où s'est abîmé mon écorce, au fond de moi je ne savais pas quelle était ma force, quelle était ma force. Avant les drames, avant les fracas, avant la route et ses entorses, au fond de moi je ne savais pas quelle était ma force, quelle était ma force. Abîmé mon écorce, au fond de moi je ne savais pas quelle était ma force. Avant les drames, avant les fracas, avant la route et ses entorses, au fond de moi je ne savais pas. Ma force.